Alléluia. Amen. Fermez les yeux. Father, we bless you for tonight. We thank you for your goodness, your mercy, your grace. Father, we ask that you bless us. We invite the Holy Spirit to come and lead us. The Holy Spirit to teach us your word, to lead us into the truth that will set us free. Father, we bless you. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. A lot of people have not come today. Plusieurs personnes ne sont pas venues aujourd'hui. Hallelujah. Where are they? Où sont-ils? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Come for it. Come for it. Come Approchez-vous. For it. Come for it. Come for it. Come for it. Approchez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Are you fasting? Est-ce que vous jeûnez? Are you fasting? Est-ce que vous jeûnez? Are you praying? Est-ce que vous priez? Are you sure? Êtes-vous sûr? How many hours have you prayed? Combien d'heures avez-vous prié? Since Monday, how many hours? Depuis lundi, combien d'heures? How many hours are we supposed to pray? Combien d'heures sommes-nous censés prier? Pardon? 5 hours a day. So 5 heures par jour. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursdays. How many hours? 20. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, combien d'heures? Supposed to be 20 hours. Donc on doit avoir 20 heures. No. From Monday to today. De lundi à aujourd'hui. From Monday to today is 20 hours. De lundi à aujourd'hui, c'est 20 How heures. How many hours have you prayed? Have you prayed 20 hours? Combien d'heures as-tu prié? As-tu prié 20 heures? How many have prayed 20 hours? Combien ont prié pour 20 heures de temps? No, it's 5 hours. Non, c'est 5 heures. Hallelujah. Amen. You are supposed to pray 2 hours on your own. Tu es censé prier 2 heures toi seul. And then you come to Kodesh and pray 3 hours. Et tu t'en vas à Kodesh pour prier 3 heures. So 5 hours a day. Donc 5 heures par jour. Do you know? Who did you know? Qui ne savait pas? Oh. Oh. Where are you? Have you been coming to Kodesh? Est-ce que vous avez l'habitude de venir à Kodesh? Hey. Oh, but they've been saying it every day. Mais ils disent ça tous les jours. Hein? Hallelujah. Amen. But who has done 19 hours? Qui a fait 19 heures? 19. 19 heures. 18 hours. 18 heures. 17 hours. 17 heures. 16 hours. 16 heures. 15 hours. 15 heures. 15 hours. 15 hours. 15 heures. Yeah. Hallelujah. Clap for them. Clap for them. Applaudissez pour eux. Alice, we are moving. Ils avancent. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So tomorrow, who has done 10 hours? 10 hours. Qui a fait 10 heures de temps? Au moins 10 heures. 10 hours. Okay. Who has not prayed at all? Qui n'a pas prié du tout? Prayed at all. Qui n'a pas prié du tout? Hallelujah. So, we are continuing tomorrow. But tomorrow night. Nous continuons demain, mais demain soir. From 10 p.m. De 22h. We are going to be at Kodesh. Nous serons à Kodesh. Belle église. Belle église. To pray. Pour prier. Hallelujah. Amen. To have all night. Pour faire une veillée. Hallelujah. Amen. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? So all of us, Kodesh. Donc nous tous, Kodesh. Those who are not here, inform them. Ceux qui ne sont pas là, informez-les. Is it okay? Est-ce que ça va? Yeah. Tonight I have a short message. Ce soir j'ai un court message. I want to share with you. Et je vais partager avec vous. Romans chapter 9. Romains chapitre 9. Or chapter 10. Ou chapitre 10. Hallelujah. Romans chapter 10 verse. Romains 10 verset. Verse 9. Verset 9. Romans chapter 10 verse 9. Romains 10 verset 9. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whoever believe on him shall not be ashamed. For there is no difference between Jew and a Greek. And for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who had believed our report? Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Hallelujah. Amen. This passage. Ce passage. Is one of the foundations for Christian belief. C'est l'une des fondations de la foi chrétienne. Hallelujah. Amen. Verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. And shalt believe in thy heart. Et si tu crois dans ton cœur. That God has raised him from the dead. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Thou shalt be saved. Tu seras sauvé. Hallelujah. Amen. A lot of people question why Jesus, why Jesus, why Jesus. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Jésus, pourquoi this Jésus, one of the pourquoi scriptures. Jésus. Ça, c'est l'un des versets. Hallelujah. Amen. If you confess Jesus, you'll be saved. Si tu confesses Jésus, tu seras sauvé. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. And verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Et verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. How shall they call upon him in whom they've not believed? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Are you with me? Êtes-vous avec and moi? And how shall they believe in whom they have not heard? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? And how shall they hear without a preacher? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? And how shall they preach except they be sent? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Hallelujah. Amen. That the question that we need to answer tonight. Donc, ce sont les questions qu'on va utiliser pour répondre ce soir. Hallelujah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec yeah. moi? He said, when you believe in the name of, you believe in Jesus Christ, you'll be saved. Il dit, quand tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Amen. Yeah. Yeah. But he's saying that, how do you believe it if you have not heard it? Et ça dit aussi, comment est-ce que tu vas croire si tu n'as pas entendu? Amen. Amen. How do you believe if you have not heard? Comment vas-tu croire si tu n'as pas entendu? And how do you hear if somebody has not gone to state? Et comment vas-tu entendre si quelqu'un ne le dit pas? Hallelujah. Amen. And how will you say it if you are you've not been sent? Et comment vas-tu le dire si tu n'as pas été envoyé? Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. So say Jesus, this is the passage. This is one of the passages. Donc Jésus, ça c'est l'un des passages. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. I'm talking about going to preach. Je parle de aller prêcher. Going to say it. Aller le dire. If you don't say it, si tu ne le dis pas, they will not believe. Ils they ne will vont not pas hear croire. In ils the ne first vont pas place. Écouter en premier lieu. Hallelujah. Amen. So you need to say it. Donc tu dois le first dire. First of all, you need to be sent. Premièrement, tu dois être envoyé. And you, when you are sent, you are say, you go and say it. Donc quand tu es envoyé, tu vas le dire. And when you say, they will hear. Et donc quand tu vas le dire, ils vont l'écouter. And when they hear, they will believe. Et quand ils vont écouter, ils vont croire. Hallelujah. Amen. A lot of people who need to hear it. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de l'écouter. So we need to go. Donc nous avons besoin de passer. Say it. Le dire. For them to hear. Afin qu'ils écoutent. And when they hear, they will believe. Et quand ils écoutent, ils vont croire. And so they will start to say verse 9. Et donc ils vont commencer à dire le verset 9. That if thou shalt confess with the Lord, the mouth, the Lord Jesus. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur and Jésus. And shalt believe in thy heart. Que tu crois dans ton cœur. That God has raised him from the dead. Que Dieu l'a ressuscité des morts. That shall be saved. Tu seras sauvé. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? If we don't say, si nous le disons pas, they will not hear. Ils ne vont pas écouter. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Many of us we don't say. Plusieurs d'entre nous ne disons pas. But tonight I want us to go and say. Mais aujourd'hui je veux que nous you allions know, this et month is a month of evangelism. Ce mois c'est le mois de l'évangélisation. And we are saying that everybody. Et nous disons que toute personne. Till the end of July. D'ici la fin de juillet. You should be able to win 3 people. Tu dois être capable de sauver 3 personnes. And establish them in the church. Et les établir dans l'église. Hallelujah. Amen. Is it possible? Est-ce que c'est possible? Is it possible? Est-ce que c'est possible? 3. It's possible. C'est possible. How many are we? Combien sommes-nous? How many are we? About 20 something. Hallelujah. 3, 30, 32. Yeah. 3. It's possible. C'est possible. Yeah. We need to go and say. Nous avons besoin d'aller et parler. This scripture in Hebrews. Voyons ce verset dans Hébreux. Hebrews chapter 5. Hébreux chapitre 5. Hebrews chapter 5. Hébreux chapitre 5. Verse 12. Verset 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are becoming such as have need of milk and not of strong meats. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes en effet venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. This verse is telling us that most people, they are still children. Ce verset nous dit que plusieurs personnes sont encore des enfants. Hallelujah. Amen. Because one of the things that we use to tell whether you are growing. Parce que l'une des choses qu'on utilise pour voir si tu grandis. Is when you can also teach somebody. C'est quand tu peux aussi enseigner quelqu'un. In the church, that's one of the things we use. Dans l'église, c'est l'une des choses qu'on utilise. Hallelujah. Amen. It's not the number of years that you have been in the church. C'est pas le nombre d'années que tu as passé à l'église. It's important. C'est important. But if you are here 20 years. Mais si tu es ici 20 ans. And you can't teach somebody. Et tu ne peux pas enseigner quelqu'un. The word of God. La parole de Dieu. It means that you are still a child. Ça veut dire que tu es toujours un enfant. That's what the verse says. Et c'est que le verset and you have to teach you. On doit encore t'enseigner. The first principle. les premiers rudiments. Hallelujah. You have to always be teaching you the first principle. On doit toujours t'enseigner les premiers rudiments. But when you begin also to teach somebody, mais quand tu commences aussi à enseigner then quelqu'un, you are growing. Donc tu grandis. Hallelujah. Amen. And tonight I want everybody to grow. Et ce soir je veux que toute decide personne puisse that grandir. I want to grow. Décide que je vais grandir. Amen. Amen. So that I can teach somebody. Afin que je puisse enseigner so that quelqu'un. I can tell somebody about Jesus Christ. Afin que je puisse parler de quelqu'un so that the au sujet de Jésus. Can be saved. Afin que la personne soit sauvée. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Is it possible? Est-ce que c'est possible? Huh? Yeah. Yeah. Tonight. Ce soir. Why we need to teach? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'enseigner? The word. La parole. Hallelujah. Amen. Why do we need to teach the word? Pourquoi avons-nous besoin d'enseigner la parole? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? I think I've said the first one. Je pense que j'ai dit la première chose. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Why? Pourquoi? Five reasons why. Cinq raisons pour lesquelles. Five reasons why we need to teach the word. Cinq raisons pour lesquelles on doit Five enseigner la parole. Five reasons why you need to grow. You need to grow. Tu dois grandir. And begin to teach the word. Et commencer à enseigner la parole. Five reasons why we are teaching the word tonight. Cinq raisons pour lesquelles nous enseignons Five la parole ce soir. Five reasons why when we go out of this place. Cinq raisons pour lesquelles quand tu you sors need to d'ici, go and teach somebody. Tu dois aller enseigner Tell quelqu'un. Tell somebody about Jesus Christ. Dire, parle à quelqu'un de Jésus why? Christ. Pourquoi? Why? Pourquoi? Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. The first reason. La première raison. When you teach the word. Quand tu enseignes la parole. People are genuinely saved. Les personnes sont sauvées. Genuinely saved. Les personnes sont vraiment sauvées. Hallelujah. Amen. People are genuinely saved. Les personnes when sont vraiment sauvées. Word, quand tu partages when la parole. Teach them, quand tu les enseignes. When you preach to them, quand tu leur prêches la people parole. Are saved. Les personnes sont sauvées. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. Romans chapter 1. Romains chapitre 1. Romans. Romains. Are you blessed? Êtes-vous béni? Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? For I'm not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first, and to the Greek. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Hallelujah. Amen. Yeah. Sometimes people start to ask questions. Parfois les gens commencent à poser des questions. Why are Muslims going to be saved? Est-ce que les musulmans vont être sauvés? Is all the Muslims are going to hell? Est-ce que tous les musulmans vont aller en enfer? Is all the Buddhists going to hell? Est-ce que tous les bouddhistes vont aller en enfer? Hallelujah. Amen. All the people that are not in church. Toutes les personnes qui ne sont pas à l'église. Are they going to hell? Vont-elles aller en enfer? Do you know the answer? Est-ce que vous connaissez la réponse? Do you know the answer? Est-ce que vous connaissez la réponse? Hallelujah. Amen. Yeah. He's saying that the gospel of Christ. Il dit que l'évangile de Christ. It is the power of God unto salvation. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Hallelujah. Amen. When you preach Christ, quand tu prêches Christ, there is power to save the people. Il y a la puissance pour sauver les gens. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez yeah, ce que je dis? The power to save. La puissance pour the sauver. The power to save. La puissance pour sauver. It's not your lecture of biology or philosophy. Ce ne sont pas tes cours de philosophie ou de biologie. That will save. Qui vont te sauver. It's the gospel of Christ. C'est l'évangile de Christ. Hallelujah. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec yeah, moi? It's the gospel of Christ that will save the people. C'est l'évangile de and Christ so qui va sauver les preach, gens. Donc quand tu prêches and you teach the people, et tu enseignes les and gens you tell them et tu leur dis about Christ, au sujet de Christ, they will be saved. Ils seront sauvés. Yeah, they will be saved. Ils seront sauvés. That's the power. C'est ça la puissance. That's the power. C'est ça la puissance. It's not any other thing. Ce n'est pas une autre chose. Yeah. Most of us, plusieurs d'entre nous, at home, à la maison, hallelujah, We were stubborn. Nous étions têtus. There are a lot of things that our parents have told us to stop, but we are not able to stop. Il y a plusieurs choses que nos parents nous ont demandé d'arrêter, mais nous n'avons pas arrêté. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? Do you remember some of the things? Tu te souviens de certaines de ces choses? You don't do. Quand t'as demandé de faire, tu n'as pas fait. Stop. You don't stop. Arrête. Tu n'as pas arrêté. Some of us we still meet in the soup. Parfois, certains nous avons volé la viande dans la nourriture, dans la marmite. In the morning, your mother get up and then the meat has vanished. Et le matin, ta mère se réveille et la viande a disparu. The fish has gone back to the sea. Le poisson est reparti à la mer. The sea à la mer. Your stomach. La mer de ton estomac. You have taken it. Tu as pris cela. Yeah. So on va in school, we steal. Certains nous à l'école on vole. Yeah. Some of us we lie. Certains nous mentons. Some of us we drink. Certains nous buvons. Alcohol. L'alcool. Young person, 30 years, 15 years, you are drinking alcohol. Un jeune garçon de 13 ans, il commence à boire de l'alcool. Young boy. Un jeune garçon. Young girl. Une jeune fille. Yeah, like you. Comme like toi. You drink alcohol. Tu bois de l'alcool. You smoke. Yeah, smoke. Tu fumes. Oui, fumer. Yeah. You smoke. Tu fumes. I always remember this boy. Je me souviens toujours de ce garçon. It's called Coco. Coco. Is it Coco? Il s'appelle Coco. Coco. From Congo. Du Congo. Yeah. Congo. Congo. I remember his there. Je me souviens de lui. When you go. Quand il part. From the taxi rank. Du taxi rank. And you cross. Et tu traverses. The first junction. Le premier carrefour. On your right. Sur ta droite. Yeah, there's a house that he used to live there. Il y a une maison là-bas. Il habitait là-bas. I sat with him. Je me suis assis avec lui. I said, come to church. Je lui ai dit, viens à l'église. Yeah. Come to church. Viens à l'église. Come to church. Viens à l'église. Let's go. Allons-y. Say no, no, no, no. Il a dit non, non, non, non. He smokes. Il fume. Drink, young boy. Il boit. Coco. Un jeune garçon. Coco. Congo. Is it Coco? I think it's Coco. Yeah. Coco. Je pense que c'est Congo. Je me souviens pas bien. Yeah. Coco from Congo. Coco du Congo. Yeah. His name is Coco. C-O-C-O. Son nom c'est Coco. C-O-C-O. Yeah. Coco. Coco. And he's from Congo. Et il vient du Congo. Yeah. I remember him. Young oui, je boy, me souviens young de lui. Boy. Un jeune garçon. Yeah. I said, come to church. Je lui ai dit, viens à l'église. In the evening, around 6 p.m. Dans le soir, around à partir this time, de 18h. I sat with him, come to church. Je me suis assis change avec your lui. Life. Let's viens go à l'église. To church. Change ta vie. Allons à l'église. He didn't listen to me. Il ne m'a pas écouté. The next moment, he's dead. Et le moment suivant, il est mort. Yeah. He died. Il est young mort. Boy. Un jeune homme. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec yeah. moi? But what I'm saying, the preaching saves. Ce que je dis, c'est when que la prédication church, sauve. Quand tu viens à l'église and the word, et on prêche your la parole, life is changed. Ta vie sera changée. The power of Christ, the power of gospel of Christ. La puissance de l'évangile de Christ. The power of the gospel of Christ saves. La puissance de l'évangile de when Christ you sauve. Preach, people are saved. Quand tu prêches, les gens sont sauvés. Your father will tell you, not stop. Ton père va te dire, your tu ne vas pas arrêter. You, not stop. Ta mère va te dire, mais tu ne vas pas arrêter. Gospel, mais quand tu viens et qu'on prêche l'évangile, ça te sauve. And that's the reason why we need to preach. We need la to raison tell pour laquelle others. Nous devons prêcher, dire aux autres. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, because it has power. Parce que ça a de la there's puissance. Power in the gospel. Il y a la puissance dans l'évangile. There's power in telling somebody that Christ died for you. Et la puissance dans dire à quelqu'un que Christ est mort pour toi. Are you with me? Êtes-vous avec yeah. moi? C'est pourquoi des That's why they said the power of the cross. Voilà pourquoi on parle de la puissance de la croix. Yeah, the power of the cross. La puissance de la croix. The power of the cross. La puissance de la croix. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So let's go and say that's one of the first reason. Donc allons-y et dire c'est la première raison. First reason. La première raison. Why we need to preach the word. Pourquoi est-ce que nous avons besoin we de prêcher la parole? We need to teach the word. Pourquoi nous devons we enseigner need to la share parole? The word. Pourquoi devons nous partager we la need parole? To share the gospel. Nous devons partager l'évangile. So that people are genuinely saved. Afin que les gens soient vraiment sauvés. Are you with me? Aide-toi avec moi. That's why say prostitutes. C'est ce qui sauve les prostituées. Les prostituées. They are saved by the power of the gospel. Elles sont sauvées par la puissance de l'évangile. Yeah. One day I remember went to circle. Un jour, je me souviens, nous sommes allés à Cercle. Crusade. Pour tout. Crusade. Tout. Ok. Pour une croisade. Yeah. Cercle. You know, à Cercle. Where we have not Vienna City. The other side. This side. L'opposé de Vienna City. Where the overhead. Où est-ce qu'il y a le passage piéton? There's a station there. Une station. Taxi rank. Taxi run. Yeah, we had a crusade there. Nous avons eu une croisade là-bas. A lot of prostitutes were in the area. Et il y avait beaucoup de prostituées dans la zone. Then we went to call them. Nous sommes allés les appeler. For the crusade. Pour la croisade. A lot of them were saved. Et beaucoup d'entre elles étaient sauvées. Yeah, today some of them are pastors. Beaucoup aujourd'hui certains d'entre elles sont des pasteurs. Yeah. Prostitutes. Des prostituées. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah, prostitutes. Les prostituées. See people who are hardened. Yeah, ouais. Hardened. Les gens, drug addicts. They les gens, drink. Les gens qui se sont endurcis dans l'alcool. They smoke. Dans la cigarette. Yeah, they will not listen to anybody. Ils ne vont écouter personne. But when they come and they preach the power, the gospel. Mais quand on vient et on prêche l'évangile. They are saved. Ils sont sauvés. Hallelujah. Amen. So we need to go. Donc nous devons y this aller. This month. Ce mois. You need to go. Tu dois aller. And share. Et partager. Yeah. Share. Just share. Partage. Christ juste partage. For you. Ah, c'est le temps pour toi. Give your life to Christ. Donne ta vie à Christ. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. You know, today I was listening to Bishop. Aujourd'hui, j'écoutais l'évêque. And was saying something. Et il disait quelque chose. He said, when you add 50 years to your years. Quand tu ajoutes 50 ans à tes années. You see that? See, like, your life is ending. C'est comme ta vie est en train de terminer. Yeah. 50 years. 50 ans. Or maybe you are young, so let's peut-être add 70 jeune. Years. Donc, disons 70 ans. Huh? Maybe you are 20 years, so add 70 years. Peut-être tu as 20 ans, donc ajoute 70 ans. Huh? How many years will you... Combien d'âge auras-tu? Quel sera ton âge? Yeah. Are you 20? As-tu 20 ans? Are you 20? As-tu 20 ans? Ah. So if you add 70, donc si tu ajoutes 70, or you add 60, ou tu ajoutes 60, or you add 50, ou tu ajoutes 50, some of us will not be here. Certains de nous ne seront plus ici. Yeah. You will not be here. Nous ne serons plus ici. You have gone. Tu seras parti. Yeah. Some people die. Today I was driving and I saw a poster. Aujourd'hui je conduisais, j'ai vu un poster. Young boy. Un jeune garçon. 36 years. 36 ans. Dead. Mort. Young, very, very young. Il est mort très jeune. Have you thought about it? Est-ce que vous avez pensé à ça? Yeah. But where will you go? Mais où iras-tu? When you die. Quand tu meurs. Yeah. Where will you go? Où iras-tu? People are wasting their life away. Les gens gaspillent leur vie. Young girls. Les jeunes filles. They are giving their bodies. Ils donnent leur corps. For all sorts of things. Pour toutes sortes de choses. Yeah. Just add 50 years. Ajoute juste 50 ans. Some people not even get 50 years. Certaines personnes ne vont même pas atteindre 50 ans. That's the reality. C'est la réalité. Whether you like it or not, some people que tu le veuilles ou non, certaines personnes ne vont pas atteindre 50 ans. Yeah, some will not get it. Certains ne vont pas avoir 50 yeah. ans. Yeah. Last year in December. L'année passée en décembre. We have a sister here. J'avais ma sœur ici. Yeah. Less than 30. Moins de 30 ans. Yeah, less than 30. She moins de 30 here. Ans. Elle est morte. Gone. Elle est partie. What are you doing with your life? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? You think that is only your school? Tu penses que c'est seulement tes études? You won't take your school to heaven, oh. Tu vas pas apporter tes études au paradis. The Bible says godliness with contentment. La Bible dit la piété avec le gain. It's great gain. C'est une grande source de gain. Hallelujah. Amen. Godliness and with contentment. La piété avec le gain. What does it mean? Contentment is what you are doing now. Like your school, you are going to school, you get a job, you marry, you gain, have children. Le gain, c'est ce que tu as maintenant. Tu vas à l'école, tu te maries, tu as des enfants. Hallelujah. Amen. You have money. Tu as de l'argent. You spend. Le Western. You are happy. Tu es content. And godliness. et la piété. The thing that you did spiritually. Les choses que tu fais spirituellement. So if you have the two, donc si tu ajoutes, si tu additionnes les deux, ça devient un grand bénéfice. Hallelujah. Amen. It's not only school. Ce n'est pas seulement l'école. C'est pas seulement le. Life is not only contentment. La vie c'est pas seulement le gain. Hallelujah. Amen. I want us to decide to do something spiritually. Je veux que nous décidions de faire quelque chose de win spirituel. Souls for Christ. Gagner des âmes pour Christ. Your certificate. Ton certificat. Just travel to UK. Voyage juste, va au UK. Travel to Canada. Va au Canada. You see that it's useless. Tu vas voir que c'est inutile. You can't even use it. Tu vas même pas l'utiliser. Hallelujah. Amen. Yeah. Some countries when you go there, you can't use your certificate. You can't enfin, use quand it. Tu vas là-bas, tu ne peux they pas don't recognize it. Ils ne reconnaissent pas cela. How much more heaven? À plus forte raison, le ciel. Yeah. In your coffin, they won't put your certificate there. Dans ton cercle, on va pas mettre ton certificat là-bas. And because of that, you don't want to serve God. Et à cause de ça, tu ne veux pas servir Dieu. Have you thought about it? Est-ce que vous avez pensé à ça? Even some companies, they don't even accept your certificate. Donc, même certaines compagnies n'acceptent pas ton certificat. When you bring it, they say, oh, no, we don't know this one. Quand tu apportes, on dit non, on ne connaît pas ça. On ne va pas te donner le travail. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So as you are struggling to get your certificate, alors que tu te bats pour avoir ton you certificat, need to do something spiritually. Tu dois faire quelque chose de spirituel. So that when you are not here, c'est que comme tu ne seras pas ici, you have something. Tu as quelque chose. It's great gain. Un grand bénéfice. You have gained on earth. Tu as des bénéfices sur terre. You have gained on earth with your certificate. Tu as des gains sur terre avec tes certificats. Hallelujah. Mm-hmm. You have gained on earth and you gain in heaven. Et tu vas au ciel. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. That's why the Bible says that contentment with godliness with contentment is great gain. Voilà pourquoi la Bible dit que la piété avec le gain c'est une grande chose. Hallelujah. Amen. Do you understand the message? Est-ce que vous comprenez do you understand le message? It? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Don't be deceived. Ne sois pas trompé. Don't let your friends deceive you. Ne laisse pas tes amis te tromper. Sometimes when I come to say, oh, yeah, you're going to church. Why are you going to church? Parfois on te dit pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu vas à l'église. Why are you praying? Pourquoi est-ce que tu pries? Why are you coming again? Are you going again? Tu vas encore? You see? Tu vois? These are your enemies. Ce sont ça tes ennemis. Yeah. These are your enemies. Ce sont tes ennemis. Oh, you are going to church too much. Tu dis oh, tu vas à l'église trop. That is your enemy. C'est ça ton ennemi. Because it's depriving you from getting something for heaven. Parce que ça t'empêche de avoir quelque chose pour le ciel. Because you'll not be here forever. Parce que tu ne seras pas sur terre pour toujours. You will not be here forever. Tu ne seras pas ici pour toujours. Yeah, you'll not be here forever. Tu ne seras pas ici pour toujours. Add 50 years. Ajoute 50 ans. Yeah, the reality is that some of us won't get 50 years. La réalité c'est que certains d'entre nous n'allons pas atteindre 50 ans. Yeah. What have you done? Qu'est-ce que tu as fait? What are you taking away? Qu'est-ce que tu prends avec toi? Yeah. Are you taking away? Est-ce que tu prends avec toi? Yeah. Your money. If you go, your money. Somebody will spend your money for you. Ton argent. Si tu pars, quelqu'un va dépenser ton argent pour toi. Yeah. He will insult you and chop the money. Il va t'insulter et dépenser ton argent. You say that you don't know how to spend your money. So il va te dire que tu ne sais pas comment dépenser ton argent. Donc je vais dépenser ça pour toi. You are gone. Tu es parti. Yeah. Your dresses. People will just take it. Tes habits, les gens vont juste les prendre. Yeah. If you are married. Si tu es marié, somebody will come and marry your spouse. Quelqu'un va venir épouser ton partenaire. Finish. Et c'est fini. Yeah. Because you know some people are thinking only marriage. Oh, we are only thinking about marriage. Parce que tu ne penses qu'au mariage, rien que le mariage. Marriage shouldn't prevent serving God. Le mariage n'a pas t'empêcher de servir Dieu. Because you die and leave your spouse. Parce que tu vas mourir et laisser ton partenaire. And somebody will go and marry the person. Et quelqu'un va aller marier la so personne. So why are you killing yourself for marriage? Donc pourquoi est-ce que tu te tues pour le mariage? Why are you saying that because of marriage you won't serve God? Pourquoi est-ce que tu dis qu'à cause du mariage tu ne vas pas servir your Dieu? Your children, you leave your children. Tes enfants, tu vas les laisser. You leave your children. Tu vas les laisser. You take your children there. Tu ne vas pas amener tes enfants là-bas. They also look for their way to heaven. Et ils vont chercher leur chemin pour le ciel. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So as you are learning, going to school, donc alors que tu apprends et que tu vas à l'école, degrees, et que tu obtiens des degrés, des certificats, going to look for job, work, chercher un travail, don't forget God. N'oublie pas Dieu. The Bible says that we should look for God when we are young. La Bible dit que nous devons chercher God Dieu quand nous sommes jeunes. God wants us. Dieu veut, nous veut. Hallelujah. Amen. God wants us to go and tell. Dieu veut que nous allions God wants et dire. Us to go and share the gospel. Il veut que nous allions et partageons l'évangile. God wants you to go and share. Dieu veut que tu ailles partager l'évangile. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. God wants us. Dieu veut. God wants us. Dieu veut. God wants us. Dieu a besoin de nous. Yeah. As you are young, you are strong. Alors que tu es jeune et fort. You have strength. Tu as la force. God wants you. Dieu te veut. You can move. Tu peux te déplacer. And share the gospel. Et aller partager l'évangile. You can fast. Tu peux jeûner. Older people, they can't fast. Les vieilles personnes ne peuvent pas jeûner. God needs us. We can fast. We fast. Que, quand tu es jeune, tu peux. And we can pray. Quand tu es jeune, tu peux prier. For a long time. Mais tu n'es pas. Yeah, you should be following me, because I cannot be repeating what I'm saying. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. God needs us. You are young. God needs you. Tu es jeune. Dieu a besoin de toi. God needs you. Dieu a besoin de God toi. God wants you to go. Dieu veut que tu ailles. God wants you to go and teach. Dieu veut que tu ailles enseigner. And share. Et partager. And preach the gospel. Et prêcher l'évangile. What's the gospel? Quel évangile? Jesus Christ died. Jésus-Christ est mort. For us. Pour nous. Hallelujah. Amen. And if you believe in him, et si tu crois you shall en have lui, eternal life. Tu auras la vie éternelle. Yeah. Lazarus and the rich man. Lazare et l'homme riche. Yeah. They all died. Les deux sont morts. Yeah. They all died. Les deux sont morts. But Lazarus went to heaven. Mais Lazare est allé au ciel. And the rich man went to hell. Et le riche est allé en enfer. And when he got to hell, et quand il est allé en enfer, he saw the Lazarus. Il a vu Lazare. In heaven. Au ciel. The Bible said that he lifted up his eyes. La Bible dit qu'il a levé les yeux. And he saw Lazarus. Et il a vu Lazare. In Abraham's bosom. Dans le sein d'Abraham. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. And when he got to hell, et quand il est arrivé en enfer, he became a preacher. Il est devenu un prédicateur. You see, when we talk about preaching, we despise preaching. Oh. Quand nous parlons de la prédication, nous négligeons la prédication. We despise sharing the gospel. Nous négligeons partager l'évangile. But when you go to hell, mais quand tu vas en enfer, it becomes the most important thing. Ça devient la chose la plus importante. Don't let the world deceive you. Ne laisse pas le monde te décevoir. Don't let the world deceive you. Ne laisse pas le monde te tromper. That your certificate is most important. Que ton certificat est le plus important. Yeah. Because the rich man was suffering. Parce que l'homme riche souffrait. His body was being bent. Son corps était brûlé. But he's not burning. Mais il ne brûlait pas. Yeah. It was being bent, but it's not burning. Il était brûlé, mais il ne brûlait pas. It's eternal fire. La Bible dit que c'est le feu éternel. Eternal damnation. La condamnation éternelle. Yeah. Hell. L'enfer. It's not easy, oh. C'est pas facile. Don't let somebody deceive you. Hell does not exist. Ne laisse pas quelqu'un te tromper que l'enfer n'existe pas. The Bible says that you cannot compare. La Bible dit que tu ne peux pas comparer. The fire in hell. Le feu en enfer. To the suffering that we have on earth. Par rapport aux souffrances que nous avons sur terre. The suffering is small. Les souffrances sur terre sont petites. It's small. The suffering you have here is small. Les souffrances que tu as ici you sont très petites. You don't have one Ghana city. One Ghana city is very small. Tu n'as pas un Ghana. Un Ghana c'est très petit. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Will you go and share the gospel? Allez-vous aller et prêcher l'évangile? Will you go and win soul this month? Allez-vous three aller people, gagner three, les âmes cette three, âme? Three. Trois personnes. Three. Trois personnes. Yeah. At least three. Au moins trois. Yeah. You'll be gaining something for heaven. Tu vas gagner quelque chose pour le ciel. Yeah. The Bible says that they that win soul, they are wise. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Yeah. Why are they wise? Pourquoi sont-ils sages? Because he knows that I know that I am gaining something for heaven. Parce que ils savent que je gagne quelque chose pour le ciel. I know that I have a treasure in heaven. Je sais que j'ai un trésor au ciel. Yeah. God is just. Dieu est juste. God is fair. Dieu est juste. Yeah, and he knows those who are doing and those who are not doing. Il sait ceux qui font et ceux qui ne font pas. Some of us will go empty-handed. Certains de nous allons aller les mains vides. Yeah, and they will give us. They will be staying at Alajo. Et on va rester à Alajo. In heaven. Ciel. Yeah. A place like Alajo. Un endroit comme Alajo. Where there's flood. Où il y a l'inondation. You know, in Accra, there are places that there's no flood. There's no flood at all. Vous savez, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de no flood at all. Pas d'inondation du tout. It can rain 100 years, there won't be flood. Il peut pleuvoir pendant 10 ans, il n'y aura pas some d'inondation. Places, small rain. Il y a aussi ces deux endroits, une petite pluie. Yeah. God is fair. Dieu est juste. Yeah. Don't think that we'll all be the same in heaven. Je pense pas que nous serons tous les mêmes au ciel. We will not be the same. Nous ne serons pas les mêmes. God is very fair. Dieu est très juste. He's very fair. We will Il not est be très the same. Juste. Hallelujah. Amen. Are you with me? Aide-moi avec moi. Will you preach? Vas-tu prêcher? Will you teach? Vas-tu enseigner? Will you share? Vas-tu partager? Yeah. Share. Va partager. Why you should be a teacher? Pourquoi est-ce que nous devons enseigner? That's the first reason. C'est ça la première raison. Hallelujah. Amen. Are you with me? Aide-moi avec moi. Yeah. Second reason. La deuxième raison. We need to teach because nous devons enseigner parce que the word of God knocks sense into a stubborn person, stubborn people. Parce que la parole de Dieu knocks sense to the stubborn people. Donne du sens à une personne têtue. Yeah. Knocks sense. Donne du sens à une personne têtue. Hallelujah. Amen. Jeremiah 23 verse 29. Jérémie 23 verset Jeremiah. Jérémie 23 verse 29 verset 29. Hallelujah. Amen. It's not my word like as fire, say the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Hallelujah. Amen. Yeah, I think I've been given that reason already. Je pense que j'ai donné ce verset. Yeah. People are hard. Les gens sont durs. People are hard. They won't listen. Ils ne vont pas écouter. But when you preach the word, mais quand tu prêches la parole, hallelujah. Amen. It knocks sense. It brings sense to people. Ça leur donne du sens. People begin to think correctly. Les gens commencent à penser correctement. Hallelujah. Amen. A lot of people don't think correctly. Plusieurs personnes ne pensent pas correctement. Yeah. Yeah, like some of you. Comme certains d'entre vous. You insult your father. Vous insultez vos pères. You insult your mother. Vous insultez vos mères. That's stupidity. C'est la stupidité. Yeah. But when you come to church and they preach the word, mais quand tu viens à l'église et on prêche la parole, think correctly, tu commences à penser that correctement. My father is my father. Que mon père est mon père. Yeah, it's a grown up. Il est grand. Yeah, it's my father. I can't treat my father that way. C'est mon père. Je ne peux pas le traiter de cette Amen. Façon. Amen. Are you with me? Aide-moi avec moi. Some people are stubborn. You can't control them. Certains sont têtus. On ne peut pas les contrôler. Yeah. Yeah. And even right now, even some people are here. They are stubborn. Même maintenant, certaines personnes sont ici et when sont têtus. They don't want to do. Quand tu leur dis quelque chose, ils ne veulent pas faire. They want to do what they want to do. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. When you advise them, they don't take it. Quand tu les conseilles, ils ne prennent pas yeah. ça. One day you break yourself. Un jour, tu vas te casser. Yeah. But allow the word of God to break you. Mais permets la parole de Dieu de te briser. Yeah, to break that thing. De briser cette chose. Break that. The other time I told somebody. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un. I told somebody here. J'ai dit à quelqu'un ici. That I'm going to correct you. Que je vais te corriger. Huh? I'm going to rebuke you. Je vais te reprendre. Till that thing is broken in you. Jusqu'à ce que cette chose soit brisée en toi. Is it a good thing to say? Est-ce que c'est une bonne chose à dire? Or it's bad? Ou c'est mauvais? This pastor is too hard, oh. No. You can see that the person is stubborn. Tu peux voir que la personne est têtue. Yeah, stubborn. Têtue. And proud. Et orgueilleux. And I told him that you are proud. Et je lui ai dit tu es orgueilleux. There's something inside you. Il y a quelque chose dedans de toi. And I'm going to. I'm going to correct you till that thing is broken. Et je vais te corriger jusqu'à ce que cette chose soit brisée. So that you begin to think correctly. Afin que tu commences à penser correctement. Yeah. And some of you, I'm going to do that. Et certains d'entre vous, je vais le faire. I'll rebuke you, cry. Je vais vous reprimander. Because of that thing in you. À cause de cette chose en toi. Should I do it? Devrais-je le faire? Are you sure? Êtes-vous sûr? Some of you are too stubborn. Certains d'entre vous êtes trop têtus. Yeah. Some of you, I won't do it because if I do, you'll be angry. Certaines personnes, je ne vais pas le faire. Parce que si je le fais, vous serez en colère. Yeah, but some people, I know that. Mais certaines personnes, je if sais they are que angry, I don't mind them. S'ils sont en colère, je vais m'en foutre. I don't mind them. Je vais m'en foutre. Yeah. No, it depends on the relationship that you have with me. Donc ça dépend de la relation que tu as avec yeah. moi. Yeah. Some people are very close that if I rebuke them, I'm not afraid. Certains sont trop proches que si je les reprends, je n'ai pas they peur. Will come back. Ils vont revenir. They won't go away. Ils ne vont pas s'en aller. Yeah, but some people, when you say something small, then. Mais certains, quand tu dis une petite chose, They will just go away. Ils vont juste partir. And I don't want anybody to go away. Et je ne veux que personne parte. Hallelujah. Amen. Are you with me? Aide-moi avec moi. Yeah. You know, stubbornness is broken by the word of God. La têtu, être têtu, c'est changé par la parole de Dieu. Yeah. Stubbornness. Être têtu. Yeah. You cannot be controlled. Tu ne peux pas être contrôlé. Yeah. Cannot be controlled. Tu ne peux pas être contrôlé. It's broken by the word of God. C'est brisé par la parole It de brings Dieu. Sense. Ça te donne du sens. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. I think the light is on. Je pense que les lumières sont revenues. Parce que je crie. Alléluia. Amen. So the Bible says that the word of God is like hammer. Donc la Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. You know hammer is heavy. Vous savez le marteau est lourd. Yeah. When you hit it, it breaks. Quand tu tapes sur quelque chose, ça se breaks. Casse. Ça se casse. Breaks. Ça se casse. That time I told somebody that. La dernière fois, j'ai dit à quelqu'un que. Me when I was growing up. Quand je grandissais. I don't know how to cry. Je ne savais pas comment pleurer. Me cry. Moi pleurer. You don't get me. Tu ne vas pas m'avoir. You do. Anything. Tu vas faire toute chose. Yeah. Yeah, me. Moi. I remember some time ago I went to play football. Je me souviens une fois je suis allé jouer au foot. And I got my toe. Et j'ai eu mon orteil. I got hurt. Je me suis blessé. My father has this medicine. Et mon père avait ce médicament. It's very. How do you say? It's very hot. C'est très chaud. And I put cotton. J'ai pris du coton. Yeah, it's like pepper. C'est comme le piment. And I put it on it. J'ai mis ça dessus. And I use plaster. Et j'ai utilisé le plâtre. Oh, there was blood coming on. Il y avait le sang qui sortait. And I put it on it. Et j'ai mis ça dessus. Yeah, I was class 5 or class 4 or something. Je pense j'avais 5 ans. And class 5 or class. J'étais au CM2. Hallelujah. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Then I went to sleep. Et je suis allé dormir. I couldn't sleep. Je ne pouvais pas dormir. It was paining me. Ça me faisait très mal. Me too, I said, I won't tell, I won't tell anybody. Moi aussi, j'ai dit, je ne vais dire à personne. Hey, in the night. Oh, dans la nuit. I said, no, no, no, this thing, I have to remove it. J'ai dit, non, non, non, cette chose, je dois l'enlever. Yeah, I want to remove it. Je dois l'enlever. It's hard, hard, hard. C'était dur, dur. When I came to church. Quand je suis venu à l'église. Yeah, one day. Un jour. We're worshiping the Lord. On adorait Dieu. Then I realized that I began to cry. Et je me suis rendu compte que j'ai commencé à pleurer. Like, j'étais où? I couldn't control myself. Je ne pouvais pas me contrôler. Yeah, couldn't control myself. Je ne pouvais pas me contrôler. I was like, hey! J'étais comme où? So God has broken something. Dieu a brisé quelque chose. Yeah. I remember my brother died. Je me souviens mon frère est mort. I didn't cry. Je n'ai pas pleuré. Me. Moi. It won't come. Ça ne va pas venir. It's not like I don't want to cry, but it won't come. C'est pas que je ne veux pas pleurer, mais ça ne va pas venir. Yeah, that's this word. Yeah, it's like cette, hammer, cette parole, c'est comme hammer, un marteau. God will break un marteau. Dieu va briser ces choses qui sont dures dans ta yeah. vie. Break. Briser, briser, briser. I can easily cry when I'm worshiping God. Aujourd'hui, je peux facilement pleurer quand je loue Dieu. You know what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que so je you dis? Need to preach so that people's those things will break. People, donc tu as besoin de. People don't want to give their life to Christ. People don't want to change. Donc tu dois prêcher afin que ces choses soient changées parce que les gens ne veulent pas donner leur vie à Christ. Yeah. People don't want to change. People are stubborn. Les gens ne veulent pas changer, ils sont têtus. Mais quand tu partages, la Bible dit qu'il y a la puissance like, dans cela. C'est comme un marteau. And it will break. Et ça va briser. Break. Briser. Break. Briser. And you see that now people are yielding themselves to God. Et tu vas voir que les gens vont s'abandonner à Dieu. Yeah. Yielding to God. Ils vont s'abandonner à Dieu. Obeying God. Obéir à doing Dieu. Doing what God wants them to faire do. Ce que Dieu veut qu'ils fassent. Hallelujah. Fasse. Are you with me? Aide-moi avec yeah. moi. Yeah. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Are you blessed? Êtes-vous béni? The third reason. La troisième raison. Why you need to teach the word. Pourquoi est-ce que tu lui enseignes la parole? The third reason. La Troisième raison. Alléluia. Amen. When you preach or teach the word. Quand tu prêches la parole. You know, that's one of the reasons why we preach. Oh. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles on prêche. It's the reason why we preach Sunday. C'est la raison pour laquelle on prêche dimanche. That's why we need to come during the week. Voilà pourquoi nous devons venir durant la semaine. Because Sunday alone is not enough. Parce que dimanche seulement n'est pas suffisant. It's not enough. Ce n'est pas suffisant. And there's a difference between those who come Thursday. There's a difference between you and those who don't come. Il y a une différence entre ceux qui viennent les jeudis. Il y a une différence entre toi et ceux qui ne viennent pas. Yeah. There's a difference between you and those who come only Sunday. Il y a une différence entre vous et ceux qui viennent seulement le dimanche. And there's a difference between those who come every Sunday, Thursday, and those who come once a while. Et il y a une différence entre ceux qui viennent tous les dimanches et tous les jeudis et ceux qui viennent une seule fois en passant. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, there's a difference. Il y a une différence. See, now your life is changing. Tu vas voir que ta vie est en train de changer. Alléluia. Amen. The third reason. La troisième raison. When you teach or preach the word. Quand tu enseignes ou sin la parole. Is burnt out of your life. Le péché est brûlé, est retiré de ta vie. Non. Ben. Le péché est brûlé de ta vie. Hallelujah. Yeah, sin is burnt out. Le péché est brûlé. It's burnt out. C'est brûlé. It's burnt out. Brûlé. You can testify with me. Tu peux témoigner avec moi. That there are sins that are burnt out from your life. Il y a des péchés qui ont été brûlés de ta vie. Yeah. As you come. Alors que tu viens. The word of God comes. La parole de Dieu vient. It's burning. Ça brûle. To burn is more. Tu vas brûler un peu. Then you go home and put fire again. Donc tu vas partir. You go and put out the fire. Tu vas enlever le feu. You go and sin again and come back. Tu vas aller pécher encore et revenir. Hallelujah. Amen. That's what we said that when you sin. Voilà pourquoi on dit que quand tu pèches. Perchance. When you sin, perchance. Quand tu pèches sans le vouloir. Come to church. Viens à l'église. Don't stay at home. Ne reste pas à la maison. You understand? Yeah. Because when you stay at home, it won't go. Parce que quand tu restes à la maison, ça ne va pas. But when you come, mais quand tu viens, the word of God is like fire. La parole de Dieu est comme le feu. Because people sin and because of that they don't come. Parce que les gens pêchent et à cause de ça ils ne viennent pas. They are afraid. Ils ont peur. Yeah, they are afraid. Look at your neighbor. Ils ont peur. Regarde ton voisin. It's a sinner. C'est un pécheur. It's a sinner. C'est un pécheur. Yeah, we are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. Hallelujah. Amen. Jeremiah chapter 5. Jérémie chapitre 5. Okay. Jeremiah chapter 5. But Jeremiah chapter 23. You know, the first part of that verse. Jérémie verset 23. No, 29 verse. 23 verse 29. Okay. Chapitre 23 verset 29. It's not my word like fire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Hallelujah. Amen. Are you with me? The word of God is like fire. And Jeremiah chapter 5 verse 14. Et Jérémie chapitre 5 verset 14. Hallelujah. Amen. Chapter 5, verse 14. Wherefore, thus saith the Lord of God, thus saith the Lord God of hosts, because ye speak this word, behold, I will make my words in thy mouth fire, and this people wood, and it shall devour them. Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple de bois, et que ce feu les consume. Alléluia. Amen. As I'm speaking now, there's fire that's coming. Alors que je parle, il y a le feu qui sort. And it will be burning sins. Et ça va brûler les péchés. Alléluia. Amen. Yeah, it's burning. Ça brûle. Some sins are being burnt. Certains péchés sont en train de brûler. Cette nuit. And as you come, it will be burning small. Et alors que tu viens, ça va brûler un peu. Burning. Brûler. One day you see that, oh, you'll not be fornicating again. Et un jour, tu vas voir que tu ne fornices plus. You'll not be lying again. Tu ne vas plus mentir. You'll not be stealing again. Tu ne vas plus voler. Yeah. Burning. Yeah, ça brûle. Hallelujah. Amen. Are you with me? Aide-toi avec moi. That's why you don't need to stop church. Voilà pourquoi tu ne dois pas arrêter de venir don't à l'église. Stop church. N'arrête pas l'église. Don't stop church. N'arrête pas l'église. Sunday come. Dimanche, viens. Thursday, come. Jeudi, viens. Hallelujah. Amen. Come. Viens. Viens, écoute. Listen to it. Buy the message. Écoute le message. Listen to it again. Écoute le message encore. The other time I told you a secret. La dernière fois, je vous ai donné un secret. If there's a message. S'il y a un message. Or if you have a problem. Ou si tu as un problème. Or maybe you want something. Sur un sujet. Yeah. And there's a message. Et il y a un message. That talks about that thing. Qui parle de ce sujet. Listen to the message. Écoute le message. Once. Une fois. Twice. Deux fois. Three times. Trois fois. Four times. Quatre fois. 20 times. 20 fois. So many times. Plusieurs fois. You see that that thing will be going. Et tu vas voir que cette chose va partir. Yeah. Or you want it. Ou tu veux. Or something good that you want. Ou quelque chose de bien que and tu veux. And it's in the message. Et que c'est dans un message. Listen to it. Écoute le message. Yeah. With time, you see that the things will come into your life. Avec le temps, tu vas voir que la chose va venir dans ta vie. Yeah. Avec le temps. The word of God is fire. La parole de Dieu, c'est du feu. The word of God creates. La parole de Dieu crée. The word of God destroys that is not, the things that are not good. La parole de Dieu détruit ce qui n'est pas bien. And create the things that are good. Et crée les choses qui sont bien. Yeah. Create. Crée. Create. Crée. And destroys. Et détruit. Yeah. Sin is destroyed. Sin le is péché bent. Est brûlé. Spent. Est brûlé. Alléluia. Amen. All of you are testimonies. Certains d'entre vous êtes des témoignages. Des témoignages. Des témoignages de choses qui partent, qui sont en train de brûler. Your life is being perfected. Vos vies sont en train d'être perfectionnées. Yeah. That's why you shouldn't condemn those who have sinned. Voilà pourquoi vous n'êtes pas condamné ceux qui ont péché. Just pray that they will be coming. Prie juste qu'ils vont venir. Pray that they will come. Prie qu'ils vont pray venir. That they will come. Prie qu'ils vont pray venir. That they will come. Prie qu'ils vont with venir time, avec le temps. Tu vas voir qu'ils vont commencer à changer. Leurs vies vont commencer à changer. Alléluia. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Yeah. So we need to preach. Donc nous devons prêcher. How many reasons? Combien de raisons? Three. Trois. Yeah. How many reasons did I say I will give you? Combien de raisons j'ai dit que je vais vous donner? Five reasons. Cinq raisons. Number four. Numéro 4. Hallelujah. Amen. When you preach the word, quand tu prêches la parole, the church members, les membres de l'église, will know what to do. Vont savoir quoi faire. Yeah. Oui. Micah. Michée. Chapter 6, verse 8. Chapitre 6, verset 8. Alléluia. Amen. Micah, chapter 5. Michée, chapitre 5. Verse 8. Verset 8. Is it chapter 5 or chapter 6? Chapter 6. Qu'est-ce que le chapitre? Chapitre 6, verset 8. Micah. Michée. Maybe read it in French. Peut-être nous allons le lire en français. Read it. You read. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Hallelujah. Amen. He that showeth thee, ô man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Hallelujah. Amen. It shows you what to do. Te montre quoi faire. If you don't know the word, si tu ne connais pas la parole, tu ne sauras pas quoi faire. Yeah. You think you know what to do, but you don't know what to do. Tu vas penser que tu sais quoi faire, mais tu ne sais pas quoi faire. Yeah. Without the word of God, sans la parole de Dieu, try to marry and you see. Essaie de te marier et tu verras. Try to marry and see. You think that will be, I know. Essaie de te marier, tu verras. Tu penses que, oh, first je of sais. All, you choose the wrong person. Premièrement, tu vas choisir la mauvaise personne. And secondly, you start to misbehave. Et deuxièmement, tu vas commencer à mal te comporter. By the time you realize, you broke the relationship. Et d'ici que tu t'en rends compte, tu as brisé la relation. And you start another one. Et tu commences une autre. You choose the wrong person. Tu choisis la mauvaise personne. By the time you realize, you impregnate the person. Et d'ici que tu te rends compte, tu vas enceinter la personne. And you see that, your father will say that, okay, you are taking care of a woman, so I can't pay your school fees. Et tu vas voir que ton père va dire, tu prends soin d'une fille, donc je ne peux plus t'envoyer de l'argent. Tu vas voir que toute ta vie est gaspillée. Yeah. By the time your father realizes you are pregnant somebody, a Ghanaian woman. Et d'ici que ton père s'en rende compte, tu as enceinté une Ghanéenne. Father will say, okay, come to the country, come back. Ton père va dire, ok, rentre au pays. Your school and everything is. Ton école et tout. Your future. Ton futur. Yeah. You try and do it without the Bible. Essaye de le faire sans la Bible. Yeah. It's the Bible who tells us what to do. C'est la Bible qui nous dit quoi faire. Right path. Ça va te mettre sur le droit you chemin. Do the wrong thing. Et afin que tu ne fasses pas la mauvaise yeah. chose. Some of us, we don't know how to stay with people. Certains d'entre nous ne savons pas comment rester avec les gens. Quand tu vas te mettre ici, là, il y aura des bagarres. Il y aura des bagarres. Tu vas te battre maintenant. Mais la Bible va te montrer. Certains d'entre vous ne savent pas comment dépenser votre argent. Quand tu as l'argent aujourd'hui, tu ne vas pas dormir à la maison. It's finished. C'est fini. Yeah? You won't sleep at home. Tu vas pas dormir à la maison. Yeah. The next time we see your home, money is finished. Le jour suivant quand te voit à la maison, l'argent est fini. And maybe 1 week, and then money is finished. Peut-être une semaine. Money that's supposed to be 2 months, 1 week. L'argent qui est censé faire 2 mois, c'est une semaine. Yeah, it's finished. C'est fini. Then here you are. Et te voici. Yeah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. The word of God shows you what to do. La parole de Dieu te montre quoi faire. So why won't you love it? Donc pourquoi ne l'aimes-tu pas? Why won't you read it? Pourquoi ne la lis-tu pas? Why won't you listen to it? Pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes pas? Yeah. Yeah. Why won't you listen to it? Tu dois l'écouter. Alléluia. Amen. Yeah. I want to be a good Christian. I want to do this. I want to be a good person. This, just look for the word. Look for the word that talks about good Christian. Certains d'entre vous dites, oh, je veux être une bonne personne. Je veux être un bon chrétien. Ceci. Cherche. And listen to it. Cherche une parole. Cherche la parole qui parle de comment être un bon chrétien. Yeah. Un bon chrétien. Yeah. It will show you what to do. Ça va te montrer it will quoi show faire. You what to do to be a good Christian. Ça va te montrer quoi faire pour être un bon chrétien. Yeah. Oh, I'm discouraged. C'est un nom de vous. Oh, je suis découragé. Nobody likes me. Oh, personne ne m'aime. Nobody cares about me. Personne ne se soucie I'm de alone. Moi. Je suis seul. Yeah, I walk alone. I come je marche alone. I go seul. Alone. I sit alone. Je viens seul. Je m'assois seul. Nobody calls me. Personne ne m'appelle. Yeah, but the word of God will show you. Mais la parole de Dieu va te montrer. Yeah, the word of God will show you that there's no happiness in a man. La parole de Dieu, c'est dit qu'il n'y a pas de joie en un homme. There's happiness in God. Mais il y a la joie en Dieu. Hey. Rain. Hey, la pluie. Hallelujah. Amen. There's happiness in God. Il y a la joie en Dieu. As you serve God, there's joy. Alors que tu sers Dieu, il y a de la joie. There's joy. La joie. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec the moi? The Bible will show you. La Bible va te montrer. The Bible will tell you. La Bible va te dire. Hallelujah. Amen. You will not be lost. Tu ne seras pas perdu. Yeah. You'll not be lost. Tu ne seras pas perdu. Some of us. Certains d'entre nous. Our friends are our Bible. Nos amis sont notre Bible. Yeah. You can't. Sometimes I feel bad. I feel sad. Parfois je me sens triste. Yeah, I feel sad. Je me sens triste. That your friends will be telling you something that is not helping you. Que tes amis vont te dire quelque chose qui n'est pas en train de t'aider. That is what you want to do. Et c'est exactement ce que tu veux faire. And you can't see. Et tu ne peux pas voir. Yeah. Can't see. Tu ne peux pas voir. Yeah. And that's my last reason. C'est ça ma dernière raison. Yeah. When you preach. Quand tu prêches. Okay. The word. La parole. Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? When you preach. Quand tu prêches. The word is a light. La parole c'est la lumière. Ah. You will not walk in darkness. Tu ne vas pas marcher dans l'obscurité. Wow, can you hear me? Hallelujah. Amen. Wow. Wow. I can't hear myself. Je ne peux pas m'écouter moi-même. Stéphane. Okay, maybe we'll continue next week. Je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. Okay, so we'll end here. I think we'll end. Donc je pense que nous allons arrêter. Hallelujah. But I'm sure you are blessed tonight. Je suis sûr que vous êtes béni ce are soir. You blessed? Êtes-vous béni? Yeah, we'll continue next week. Nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. But before we go, let's pray. Mais avant que nous partions, close your prions. Eyes and thank God. Fermez vos yeux et remerciez le Seigneur. Thank God for His word. Remerciez Dieu pour sa parole. And pray that God will give you the grace. Prie que Dieu va te donner la grâce. To be able to share the word. D'être capable de partager la parole. In the name of Jesus, Father, we thank oh, you. Jésus. Father, we give you glory. We give you honor. We bless you. We thank you for the word. That's like hammer. That's light. That shows us what to do. In the name of Jesus, we give you the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.